Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Il a suffi d'une étincelle pour que l'histoire de l'humanité change et devienne un chemin de feu. Si l'énigme de la première maîtrise et production du feu demeure, plusieurs preuves attestent d'une émergence des premiers foyers aux alentours de 400 000 ans avant notre ère. Comment cette chaleur et cette lumière maîtrisée ont-elles bouleversé le rapport des premiers humains au monde et entraîné toute une cascade de développement? C'est la question brûlante à laquelle nous allons nous atteler aujourd'hui. Feu et l'homme créa la flamme, on souffle sur les braises aujourd'hui, bienvenue dans Eureka. Et pour mener cette enquête ardente, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Isabelle Théry-Parisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes préhistorienne, bioarchéologue, directrice de recherche au CNRS. Nous sommes également en studio avec Antoine Balzo, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Alors, avant de nous réchauffer au coin des premiers feux, je vous propose d'entendre une voix familière et chaleureuse. C'est celle de Gaston Bachelard qui parlait en 1952 des miracles du feu. Le feu est une figure de destin. Il naît. Il meurt, il est un drame. Et voici que, comme l'eau des profondeurs, le feu appelle un vertige. Il y a un vertige de feu, comme il y a un vertige de la mort dans l'eau. Le feu est la plus grande image, la plus complète image de l'anéantissement. Alors, la figure du foyer domestique devient la fournaise d'un soleil ou d'un enfer. Comment mieux dire que la maîtrise d'un feu nous donne la conscience de posséder un pouvoir surhumain. En nous, revitant alors l'orgueil d'un Prométhée. Voilà la voix si reconnaissable de Gaston Bachelard, Isabelle Théry-Parisot. Qu'est-ce qui nous fascine autant dans cette histoire de la maîtrise du feu pour commencer ? Alors, ce qui nous fascine autant, et ça depuis très longtemps, hein, c'est de comprendre comment les hommes se sont appropriés le feu, voilà, qui reste une question largement énigmatique aujourd'hui. Comment les premiers hominidés ont réussi à conquérir cette technologie nouvelle pour en faire un objet de leur quotidien. Antoine Balzo, sur cette question de la fascination qu'exerce cette première invention, qui n'est pas vraiment une invention. C'est complexe parce que on s'étend au-delà de nos domaines scientifiques, de nos domaines de recherche habituels en quelque sorte. On travaille nous sur, moi je suis paléoanthropologue, je travaille sur les ossements humains, donc le lien direct avec le feu est forcément un peu lointain. C'est dans le comportement. On travaille aussi comme préhistorien sur les sites archéologiques, on trouve des objets, on s'approche un petit peu de cet aspect de comportement et cette utilisation du feu, mais en fait ça dépasse très largement cet aspect-là, puisqu'il y a cette idée qui est derrière le feu, qui est ce moteur évolutif qu'il a pu être, et s'entremêlent en fait les données archéologiques, les données biologiques, et puisqu'on aimerait trouver cette histoire qu'on a pu construire autour du feu, qui aurait pu presque être un décideur de ce que nous sommes tout au cours de notre évolution. Et donc forcément, il faut essayer de confronter les choses, et ça, c'est compliqué. Quels sont les enjeux scientifiques à établir avec autant de précision que possible la période à laquelle on a commencé à apprivoiser, domestiquer, maîtriser le feu, Antoine Balzo? Les enjeux sont presque doubles, parce que dans nos domaines scientifiques où on a des informations assez partielles, on travaille sur des sites archéologiques qui sont finalement des reflets des temps passés, de ce qu'ont fait les hommes, mais d'une partie de leur activité. C'est juste qu'il est resté sur place, donc c'était même pas tout leur mode de vie qui était représenté, et c'est ce qui a traversé le temps. Donc on essaye vraiment, en fouillant presque les poubelles des hommes préhistoriques, de comprendre tout ce qu'ils vivaient. Alors les détectives privés le font très bien aujourd'hui, pour nous c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a la distance de temps. Et ce qui fait que s'entremêle cette analyse scientifique des indices pour trouver des résultats, et puis toutes les hypothèses qu'on peut construire par ailleurs à partir de tout le reste, de l'ensemble de faisceaux qu'on peut avoir, et même quand on va au-delà d'essayer d'interpréter les choses. Et le feu, il y a cette idée qu'il a été moteur dans notre construction, dans la transformation de la biologie et des comportements humains. Et donc, arriver à identifier les premières traces de feu et comment l'homme se servait du feu, c'est aussi essayer de faire coller les théories qu'on a pu construire indépendamment de ça avec les restes archéologiques. On fait presque le travail à l'envers aussi. On cherche à prouver que ce qu'on a pu construire comme grande théorie est validé, justifié par les traces archéologiques qu'on peut trouver. Isabelle Théry-Parisot, qu'est-ce qui anime votre enquête passionnée autour de ces questions des premiers feux maîtrisés ? Alors ça, c'est une question complexe. Qu'est-ce qui anime comment répondre à cette question ? Ce qui est passionnant avec l'histoire du feu, c'est que c'est un jalon essentiel hein, de l'histoire de l'humanité, comme l'a très bien dit Antoine Balzo. Et c'est presque un marqueur de l'évolution des sociétés. Et pour nous, préhistoriens, c'est la question cruciale de celle de l'évolution des cultures à travers la maîtrise des techniques. Et voilà, c'est ce qui est le moteur pour moi de ma recherche, comprendre comment les sociétés se sont appropriées cette technologie, comment ils l'ont maîtrisée, quelles sont les interactions avec le milieu environnant, quels ont été les ressorts de ces transformations. Voilà, toutes ces questions qui sont celles de mon quotidien d'archéologue et de préhistorienne. Alors il y a une difficulté principale dans cette histoire de la domestication du feu, Antoine Balzo, c'est qu'on n'arrive pas à bien déterminer quand. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de remonter à la source des premiers feux domestiqués et maîtrisés ? Pour plein de raisons complémentaires. La première, évidemment, c'est les lacunes archéologiques qu'on peut avoir, le peu de données qui ont pu traverser le temps, simplement parce que tous ces hommes qui ont vécu par le passé n'ont pas été enregistrés, leurs actions n'ont pas été enregistrées, parce que les sites archéologiques restent quelque chose de totalement exceptionnel. Donc c'est aussi ce biais-là que l'on a du manque d'informations. Et puis le feu, c'est quelque chose d'extrêmement particulier aussi, parce que autant arriver à voir les traces d'une chasse ou de ce qu'on a pu manger, on peut imaginer en effet qu'il reste des objets solides qui permettent de visualiser ces aspects-là. Le feu, ça implique d'allumer avec en particulier des choses qui ne se conservent pas, des matériaux tendres qui vont être frictionnés, frottés, etc. De l'air, des matériaux secs qui ne reste pas avec le temps. Et puis, par définition, le feu brûle tout ce qu'on met dedans. Donc, forcément, ça a détruit et ça laisse peu de traces et ça va rajouter à la difficulté. Le retrouver va être compliqué. Il va falloir qu'il soit préservé par miracle dans un site archéologique. Et puis, en plus, quand il y a des traces de feu, arriver à reconnaître ce qui est d'origine naturelle, de ce qui est d'origine anthropique, va être extrêmement compliqué parce qu'il n'y aura pas tous les petits indices d'action humaine qu'on arrivera à interpréter. Isabelle Théry-Parisot, avant même de parler de la maîtrise du feu, est-ce qu'on a des traces, des preuves que des humains, avant la période qui fait consensus dans le domaine scientifique des 400 000 ans, est-ce qu'on a des traces, des preuves que des humains, enfin ce qui appartient des hominidés, se sont servis de façon opportuniste du feu ? Alors, il y a des traces dans le registre ancien, et on pense que Homo erectus, par exemple, utilisait ponctuellement le feu de manière opportuniste, hein, du feu qu'il avait collecté à partir d'incendies naturels. Alors, il y a des sites, plusieurs sites, en Afrique de l'Est, notamment Wonder Cave, autour de 1,4 million, Schwarzkranz, autour de 1 million d'années. et puis d'autres sites au Proche-Orient, voilà, autour de 750 000. Il y a beaucoup, beaucoup de sites hein, à travers le monde. Enfin, beaucoup de sites, ça, c'est, on va dire une vingtaine de sites dans lesquels il y a des traces avérées de la combustion. Voilà. Maintenant, la difficulté, comme l'a très bien dit Antoine, c'est de faire le lien entre une intention qui serait celle d'une combustion d'origine humaine et, par exemple, un niveau archéologique qui aurait été balayé par les flammes postérieurement à son occupation. Voilà. Donc les premières traces, on peut dire qu'elles sont multipolaires et qu'elles apparaissent un peu partout. Sur le continent européen, asiatique et africain, évidemment sans connexion entre ces sites à l'époque. Mais définir précisément à partir de quand l'homme a utilisé, ne serait-ce qu'utiliser le feu, ça reste soumis à des découvertes archéologiques qui peuvent encore être... celle du futur. Mmh. Antoine Balzo, Isabelle Théry-Parisot parle à l'instant de traces d'utilisation opportuniste du feu. Quelles sont ces traces? À quoi on se réfère? On va pouvoir trouver évidemment des éléments brûlés, mais le futur de la recherche se base plutôt dans les micro-traces, dans les traces de combustion microscopiques, dans les sédiments, toutes les choses qui vont être associées, qui vont être des traces très anciennes, ou arriver à mieux caractériser aussi comment brûlent les os. C'est tout un domaine de recherche, parce qu'en fonction de la température à laquelle est exposé un os, il ne va pas avoir les mêmes marques de combustion, il ne va pas se transformer de la même manière. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces pistes de recherche qui se développent aujourd'hui sur les sites archéologiques, dans les sédiments, pour avoir une meilleure caractérisation des petits éléments, de la chimie, de tous ces minéraux-là pour mieux les comprendre et arriver éventuellement à différencier des caractéristiques liées à des combustions de grande extension, un feu qui pourrait laisser des petites traces mais très lointaines aussi, emportées par le vent, etc. C'est quand même compliqué à observer, ou des choses qui vont être bien restreinte dans un lieu, sachant que même un foyer qui a pu être restreint il y a 500 000, 1 million d'années, on ne sait pas quand ont eu lieu les premiers, le processus de fossilisation les altère nécessairement. Et c'est pour ça que ces techniques géochimiques sont une nouvelle porte, une nouvelle vision aussi de ces questions-là, parce que ça va permettre de caractériser des choses qu'on ne pouvait pas observer avant, microscopiques, et peut-être d'apporter de nouveaux éléments sur tous ces sites qui sont vieux, qui ont été découverts il y a un moment, arriver à mieux comprendre ce qui s'est passé et arriver peut-être plus à faire le lien avec des actions anthropiques. Vous parliez de foyer. Avant la maîtrise du feu, il n'y a pas de foyer. C'est ce qui caractérise d'ailleurs l'absence de maîtrise du feu. Il y a un site que je trouve assez intéressant, c'est le site de Cueva Negra, où apparemment des hominidés auraient provoqué des petits mini-incendies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce site et en quoi est-ce qu'il est intéressant, Antoine Balzo? Je connais pas bien ce gisement-là, ni comment a pu être démontré ce genre d'action. En fait, c'est aussi toujours la difficulté d'arriver à saisir le comportement humain qui peut y avoir derrière à partir des restes archéologiques. Isabelle Théry-Parisot, est-ce que ce site de la Cueva Negra vous parle et qu'est-ce qui s'est passé sur ce site-là? Alors, je suis comme Antoine. J'ai été tapé dans les coins. C'est pas un site majeur, je pense. C'est pas grave. C'est un site qui est peu documenté, hein, et dans lequel la présence de feu est quand même encore un peu largement discutée. Il y a un site en tout cas qui intrigue. C'est un site pour le coup en Israël qui est celui de Gesher Benot Yaakov, avec des sortes de vestiges de foyers. Isabelle Théry-Parisot, qu'est-ce qu'on a découvert sur ce site et comment ça a été interprété par les scientifiques? Alors c'est un site qui est daté autour de 750 000 ans, dans lequel on a retrouvé des eaux brûlées avec des traces de découpe de boucherie, enfin ce qui a été interprété comme des traces de découpe de boucherie. Et puis on trouve également des cendres, des charbons de bois, Et les archéologues en ont conclu qu'il y avait un usage intentionnel du feu qui avait été fait sur ce site. Alors, voilà, on pense sur ce site qu'effectivement, il y a une utilisation du feu. Maintenant, la question de l'intentionnalité et de la maîtrise, elle reste encore très largement discutée. Eureka, Antoine Beauchamp. On poursuit cette histoire de la domestication du feu et on en arrive à la période de la maîtrise de ce feu. Et sur ce sujet, je vous propose d'écouter la voix du préhistorien André Thévenin. C'était en 1981. Depuis une centaine d'années, le gisement d'Arnheim est exploité pour l'extraction du leus de façon à fabriquer des briques. Et au cours des travaux d'extraction, depuis 100 ans, on trouve des restes d'animaux. Des éléphants, des rhinocéros, des bovidés, des chevaux, ainsi que des restes d'industrie humaine. Depuis une douzaine d'années, je suis en Alsace et j'ai repris moi-même les fouilles de temps en temps dans ce gisement. Et cette année, j'avais décidé de faire une nouvelle campagne de fouilles pour travailler dans des niveaux beaucoup plus anciens. Et en travaillant, je suis tombé sur des aires de rubéfaction qui datent de l'interglaciaire Mindelris, c'est-à-dire d'environ 400 000 ans. Alors, ces traces de feu sont très importantes. L'argile rubéfiée est épaisse d'environ 5 à 10 cm, c'est ce qui suppose que les Homo erectus ou pithécanthropes ont séjourné très longtemps sur ce site ou qu'ils ont fait des feux très violents. Antoine Balzo, on évoque dans cette intervention d'André Thévenin une date clé qui fait consensus, c'est celle de 400 000 ans. Alors pourquoi est-ce que cette date, pour le coup, fait consensus, ce qui est assez rare en préhistoire, pour la maîtrise du feu? Consensus, c'est un grand mot. Il y a toujours des gens qui discutent encore de vraiment la réalité de l'exploitation du feu en fonction des espèces aussi. Ça, c'est un autre sujet. En fait, quand même, un marqueur important, 400 000 ans, 300, 400 000 ans, c'est à peu près. De toute façon, les méthodes de datation pour ces périodes-là, on n'est pas à quelques dizaines de milliers d'années près. Donc c'est à peu près cette période-là. Ce qui amène quand même à donner du poids à cette période-là, c'est que justement, on passe d'une occurrence rare de traces de feu, exceptionnelle, occasionnelle dans différents endroits, à une densité un peu plus importante. Alors, il n'y a pas non plus des sites archéologiques à foison, donc on n'est pas avec des milliers de sites archéologiques où il y a du feu, mais il commence à y avoir une proportion raisonnable de traces de feu, peut-être un facteur 10 entre avant et après, on est à 10-15% des sites, des niveaux où on va trouver des choses qui laissent penser qu'il y a le feu. Et puis l'intérêt, c'est que ce sont des sites dans différentes régions. Alors, je ne connaissais pas ce site alsacien, mais il y en a en Bretagne à peu près à la même époque, il y en a en Afrique, il y en a au Proche-Orient et il y en a jusqu'en Chine, à Zhoukoudian, où c'est un site où c'est encore débattu parce qu'il y a plusieurs niveaux avec des traces de feu, certains où visiblement on a des incendies. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une apparition multiple. Voilà, c'est une apparition et puis surtout cette notion de répétition, d'occurrence plus régulière du feu qui font que ça devient quand même plus difficile de dire ce n'est pas possible, ils ne l'ont pas fait, parce qu'on l'observe un petit peu plus. Isabelle Théry-Parisot, comment, avant d'évoquer la certitude avec laquelle on peut dire qu'un feu est maîtrisé, comment est-ce qu'on peut interpréter cette apparition multiple d'un même phénomène en des différents endroits? Isabelle Théry-Parisot, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous pose la question. Oui, on vous retrouve. Ouais. Alors sur cette question, je vous repose la question. Celle de l'apparition multiple. Oui, exactement. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter, cette apparition multiple de foyers maîtrisés en différents points du globe? C'est une question très difficile. Je pense que les sociétés ont fait des observations similaires à des mêmes endroits, observant l'apparition de feux d'origine naturelle et des résidus, par exemple, d'animaux calcinés, brûlés, et avec l'attrait pour cette viande qui a pu motiver ces sociétés à différents endroits du globe pour essayer de s'approprier le feu. Mais évidemment, à une époque où il n'y a pas de connexion entre les groupes humains, c'est vrai que cette question de la multipolarité, de l'émergence et de la reconnaissance des propriétés du feu reste une question qui est difficile à comprendre avec précision. Antoine Balzo, vous le disiez tout à l'heure, les traces sont extrêmement rares. Cependant, à partir de quand est-ce qu'on peut dire en toute objectivité « je suis en face d'un foyer, d'un feu maîtrisé » ? Quelle trace objective vous permet de dire que c'est un feu qui a été construit de la main d'une espèce humaine, quelle qu'elle soit ? Je suis probablement pas le bon chercheur pour répondre à cette question-là, parce que je travaille pas du tout sur la thématique. Je travaille sur les restes humains justement. Peut-être Antoine, je peux. Voilà. Alors, Isabelle Théry-Parizeau, je vous cède la parole puisque pour le coup vous travaillez vraiment sur les foyers. Donc, je pense qu'il y a quatre éléments principaux. La présence de structures aménagées ou non, de structures de combustion qu'on peut identifier spatialement sur le site. La seconde, ce serait une forme d'organisation spatiale autour du foyer, avec d'autres vestiges archéologiques associés à ces foyers, du silex, des ossements animaux. Ensuite, pour aller un peu plus loin, mais là on s'avance un peu plus dans le temps, on se rapproche de nous, un autre élément qui est celui de la maîtrise des combustibles eux-mêmes et des différentes propriétés de ces combustibles qui vont être sélectionnés pour des usages distincts. Et enfin, le quatrième point, c'est celui de traitement thermique avéré sur le site. Traitement thermique de matériaux comme la fabrication d'adhésifs, de colle à partir de résine ou de brais de bouleau qui nécessitent l'utilisation du feu, par exemple. Voilà, qui sont des éléments de preuve qui doivent être combinés, évidemment, pour attester de manière quasi certaine une utilisation raisonnée du feu. Antoine Balzo, on va tordre le cou à une espèce d'image d'épinal qui voudrait que Homo sapiens soit celui qui ait maîtrisé le feu. Là, on parle de temps bien plus reculé que l'apparition d'Homo sapiens. Alors, quelles étaient les premières espèces à avoir maîtrisé ces feux ? On n'a pas toujours les restes humains associés à ces sites archéologiques, et ça fait partie de la réflexion autour de cette grande théorie autour de l'exploitation, de l'utilisation du feu et de ce que ça change. Ce qui est intéressant là, avec ces périodes de temps, c'est qu'on a des groupes humains différents et des probablement espèces humaines différentes. En Asie, on est plutôt avec Homo erectus. En Europe, on a les ancêtres des Néandertaliens ou les premiers Néandertaliens, surtout quand on arrive vers 300 000 ans. Donc des humanités qui sont clairement distinctes d'un point de vue biologique. Et ça, c'est pour moi un aspect qui a du sens dans cette réflexion qu'on a pu avoir autour de l'utilité du feu et pourquoi l'homme a été capable d'utiliser le feu. Le raisonnement a été de dire que le feu permettait d'avoir une alimentation meilleure, un plus gros cerveau, etc. Et finalement, ce qu'on observe, c'est cette coïncidence d'exploitation du feu, peut-être sur des espèces humaines différentes. Plus tard, en tout cas, c'est le cas sur les espèces qui succèdent à celles à 300 000 ans. Mais finalement, c'est peu une exception, ce lien entre feu et espèce humaine qui n'est pas unique, parce que si on regarde l'arrivée des outils ou à différentes époques, les outils, on a le même schéma. Pendant longtemps, on a simplifié ou on a construit l'idée que c'était Homo habilis qui était le premier artisan. Aujourd'hui, on connaît des outils antérieurs à Homo habilis. On connaît plusieurs espèces d'australopithèques ou de paranthropes qui visiblement taillent des outils, ce qui démontre bien que l'outil, alors évidemment après il y a une complexification et des choses différentes qui vont exister, mais en tout cas plusieurs espèces humaines ont eu cette capacité de franchir le pas, de faire des outils. Les outils ultérieurs, il y a un peu la même histoire. Le biface, qui est une étape importante d'un point de vue capacité comportementale, parce que c'est un outil complexe qui implique de maîtriser des techniques, apparaît à des époques différentes en fonction des régions et est utilisé par des espèces humaines différentes. Bah, le feu, ça semble être le même schéma. Et finalement, ça atténue un peu cette image que l'on a de il faut un humain spécial qui va être capable de faire quelque chose de nouveau, et c'est parce que c'est quelque chose de nouveau qu'il y a cet humain spécial. Finalement, il y a plutôt une évolution humaine qui est biologiquement buissonnante, et finalement, on se rend compte, plus on multiplie les données archéologiques, que même les données comportementales aussi sont partagées, apparaissent chez des espèces humaines différentes, comme si finalement ces nouvelles capacités étaient exploitées par des humains qui étaient les descendants d'humains qui en étaient finalement pas si loin que ça, et que plusieurs vont être capables de le faire. Donc ça renverse un peu la vision, et c'est intéressant aussi pour mieux comprendre comment on définit les espèces humaines et les capacités comportementales des humains. Isabelle Théry-Parisot, sur cette longue histoire de l'apparition multiple, buissonnante, comme le disait Antoine Balzo, de la maîtrise du feu, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, ce qui est certain, c'est que Néandertal maîtrisait parfaitement le feu, en Europe en tout cas. On y reviendra. Les traces d'utilisation du feu sont très nombreuses hein, dans les sites néandertaliens. En Afrique du Sud, par exemple, c'est plutôt autour de 200 000 ans avec les hommes modernes que on trouve une multiplicité de sites dans lesquels on trouve des foyers. C'est donc à partir de ces moments-là, vers 200 000 ans, que la maîtrise du feu commence véritablement à se systématiser. Isabelle Théry. Alors, je dirais que on a des très très nombreuses attestations à partir de 100 000 ans. Là, la maîtrise du feu semble avérée, aussi bien en Afrique que en Asie, qu'en Europe, avec de très nombreux sites dans lesquels on retrouve des foyers, aménagés ou non, des combustibles de différentes natures, des objets qui commencent à être façonnés par le feu, et puis des formes d'aménagement de l'habitat. Voilà. Mmh. Autour de 100 000 ans, on a de très nombreuses attestations. Isabelle Théry-Parisot, quand on pense à l'allumage d'un feu, on pense immédiatement aux deux silex entrechoqués. À partir de quand cette technique un peu exemplaire apparaît et attestée dans la préhistoire? Alors, je n'ai aucune idée. À quel moment apparaît, il faudrait pouvoir trouver des preuves directes de cette pratique. Et ces preuves directes, on les a pas. Mm-hmm. Voilà. Donc, ça reste une hypothèse très forte, mais on n'a aucune certitude sur les plus anciennes traces de cette façon de produire le feu. En tout cas, c'est une façon. Et en tout cas, parmi d'autres. Ce qu'on pense, c'est que la première étape a été celle de la préservation, c'est-à-dire de la collecte du feu sur des sites d'incendie naturel et d'un entretien pour maintenir le feu allumé longtemps, et que cette phase cette longue période pendant laquelle les hommes ont lutté pour garder le feu a précédé celle où ils ont été capables de le fabriquer eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils gardaient toujours un Mais feu allumé. Mais en tout cas, je pense qu'on peut dire que à partir du moment où il y a multiplicité des témoignages de feu dans les sites archéologiques, c'est-à-dire vraiment après 200 000, hein, à partir de ce moment-là, on est certain que les hommes savaient faire. Mmh. Antoine Balzo, on parlait de frotter de silex pour allumer un feu. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes reconnues pour produire un feu, et quelles sont-elles, ces méthodes? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de la grande variété dont pouvaient disposer les hommes préhistoriques pour faire leur feu? Alors, des techniques pour allumer le feu, on en connaît beaucoup. Il y a de l'expérimentation aujourd'hui. On peut tous tester ces manières de fabriquer de feu, ou regarder Koh-Lanta à la télé pour voir comment ils se débrouillent pour en faire. La difficulté, c'est arriver à reconnaître les traces de ces éventuels comportements dans des sites archéologiques, parce que tous ces matériaux périssables ne se conservant pas, on a vraiment un vrai problème pour arriver à identifier ça, essayer de reconnaître la technique qui permet d'allumer le feu. Isabelle Théry-Parisot, Antoine Balzo évoquait l'archéologie expérimentale en creux dans son propos à l'instant. Quelles sont les méthodes aujourd'hui utilisées par les archéologues expérimentaux pour reproduire des façons de faire du feu à la mode préhistorique? Alors, il y a beaucoup de tests qui ont été faits avec l'utilisation de frottements entre deux baguettes de bois de différentes qualités et l'allumage de mousse et de lichen à partir d'étincelles qui seraient produites par le frottement. Les expériences montrent que, contrairement à ce qu'on pense, on peut arriver à la même chose en utilisant différentes espèces de bois et que une idée couramment admise qui était qu'il fallait un bois dense pour la baguette et un bois de faible densité pour l'élément de base a été remis en question par les travaux très intéressants de Jacques Collinat-Girard qui a testé de très nombreuses végétales. Alors ensuite, ce qu'on sait en revanche, c'est que la gamme des végétaux disponibles dans l'environnement, en tout cas pour le paléolithique, n'était pas très diversifiée, hein, puisqu'il y avait à l'époque principalement des pins, des bouleaux, qui étaient des espèces qui étaient majoritaires dans l'environnement, en tout cas pendant une très grande partie du paléolithique. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette enquête sur la maîtrise du feu et on va voir notamment comment se sont développées les différentes cultures du feu, les usages de ce feu et bien évidemment les conséquences de ces usages. Écoutons la pluie et nous fermons les yeux, chérie. Tous les deux au coin du feu, nous buvons un whisky et nous sommes heureux, chérie. À la radio, un slow que je fredonne. Douce veillée, soirée de fin d'automne, nous jouons avec le feu, car le bois et la flamme, c'est mon cœur et ton âme, chérie. Fumée, nuages, feuilles rousses, vous êtes comme les serments. Et comme une musique douce, vous passez avec le vent. Oublions le reste du monde, qu'importe à venir ou passer. Considérons chaque seconde comme une éternité. Tous les deux au coin du feu, nous écoutons la pluie et nous sommes heureux, chérie. Tous les deux au coin du feu, nous rêvons à l'oubli et nous sommes heureux, chérie. À la radio, douce veillée, soirée de fin d'automne, tous les deux au coin du feu, rêvons que cette nuit dure toute la vie, chérie, et ne pensons. Au coin du feu par Irène Hilda à 16h33 dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire de la maîtrise du feu et nous en parlons avec Isabelle Théry-Parisot, préhistorienne, bioarchéologue, directrice de recherche au CNRS. Nous sommes également en compagnie d'Antoine Balzo, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS et chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Alors nous le disions tout à l'heure, le feu est maîtrisé bien avant l'émergence d'Homo sapiens. Isabelle Théry-Parisot, est-ce qu'il y a des différentes cultures de feu, techniques de production différentes selon que les humains sont des Homo erectus, des Néandertaliens ou des Sapiens, ou bien est-ce qu'il y a une forme d'homogénéité ? Alors, ce qu'on peut dire comme grande généralité, parce qu'évidemment, c'est très différent à l'échelle de la planète. Eh bien, écoutez, on vient d'entendre un petit moment. Vous m'entendez ? Oui. On vous entend, on vous entend. Je repose ma question. C'est que les foyers moustériens ont été certainement des foyers multifonctionnels. C'est-à-dire des foyers qui étaient faiblement spécialisés et qui servaient pour différents usages, comme l'éclairage, le chauffage, la cuisson par exemple. Et la spécialisation des foyers intervient plutôt vers 70 000 ans. À partir de ce moment-là, on arrive à démontrer qu'il existe certains foyers spécialisés. Alors, la spécialisation des foyers, elle dépend évidemment de la fonction des sites. Dans les sites d'habitat, les usages du feu sont plus variés que dans des sites d'occupation ponctuelle, comme des haltes de chasse, par exemple. Voilà, et puis à partir de, on va dire que à partir de 40 000 ans, on a vraiment des foyers spécialisés qui sont très bien mis en évidence dans les sites. Oui, c'est très important de préciser qu'il y a des différences pour faire un feu selon que le site est en extérieur ou en intérieur. Antoine Balzo, on parle de Homo sapiens néandertal. Est-ce que parmi les autres espèces comme l'homme de Flores ou celui de Denisova ou de Luzon, on a des traces d'usage du feu ? C'est encore ouvert comme sujet. C'est d'autant plus ouvert que ça a été remis en cause. En fait, au départ, justement, l'homme de Flores avait été dans son package comportemental. On lui avait associé le feu parce que les premières fouilles avaient identifié des traces de foyer à côté d'un des restes humains. Il se trouve que c'est un site archéologique vraiment complexe, le site de Liangboa, et il y a eu des reprises des fouilles. Ils ont étendu les carrés, ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait eu un phénomène géologique un peu complexe qui avait fait que ils avaient eu l'impression qu'à quelques centimètres près ils avaient les restes humains et puis à côté un foyer, et finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un mélange de couches et que le foyer n'était pas contemporain de l'homme de Flores. Et ça change finalement pas mal de choses, parce que pour cet homme de Flores, on n'a plus de traces de feu associées. Alors il faut relativiser. Pour le moment, l'homme de Flores, il est connu dans deux sites archéologiques, un de plein air à 700 000 ans, un en grotte à peu près 100 000 ans, avec une zone de fouille qui doit faire 15 mètres carrés en tout dans ce site-là. Donc on n'a pas encore tout le détail. On ne peut pas exclure qu'ils aient fait du feu, mais on n'en a pas de traces. Pour l'homme de Luzon, c'est aussi des fouilles sur une zone assez réduite et un contexte géologique qui est compliqué. Donc on n'a pas de certitude, mais pour le moment, il y a pas de traces de feu évidentes. Pour Denisova, on est dans le mystère de toute façon. On n'a qu'une phalange du pauvre homme de Denisova. Non, on a dépassé la phalange quand même. On a quelques dents qui ne ressemblent pas à grand chose. Ouais. Et puis, on a des sédiments aussi qui montrent des traces. C'est une nouvelle technique aussi d'étude. Ça qui est prometteuse et importante, parce que en étudiant le sédiment et en prélevant l'ADN dans le sédiment, on arrive à identifier quels hommes étaient là, éventuellement même si plusieurs êtres humains étaient là et s'il y a eu des époques différentes. Donc ça, c'est un potentiel pour des sites où il n'y a pas de reste osseux qui est gigantesque et qui va être très important à l'avenir pour toute une partie de la planète où on n'a pas de fossiles. Pour Denisova, pour le moment, le reste, c'est un fragment de mandibule au Tibet, un peu hors contexte, quelques dents. Donc on n'a pas un détail, mais quand même dans les niveaux de la grotte de Denisova où il y a les restes de Denisova, il y a des objets archéologiques complexes. Il a été proposé qu'il y avait des aiguilles très bien façonnées et tout. Donc il y a des comportements super compliqués, mais ça reste de toute façon très mystérieux. Et puis la dernière petite espèce, petite par la taille et puis importante par l'impact qu'elle peut avoir, c'est l'Homo naledi qui vient d'Afrique du Sud. Pour le moment, on a une date à peu près autour de 300 000 ans. Mais pareil, c'est un seul site, une seule date, donc peut-être qu'on aura une zone de vie plus grande, une humanité très différente, parce que de petite stature à une époque où on a presque Homo sapiens ou Néandertal ailleurs. Donc une morphologie vraiment différente et pour le moment, pas de feu associé. Mais c'est sûr qu'une meilleure connaissance archéologique, comportementale de ces humanités différentes sera passionnante pour arriver à mieux comprendre justement les interactions entre les différentes espèces humaines et leurs capacités cognitives les unes les autres. Si on en vient maintenant aux espèces qui, pour le coup, elles, ont maîtrisé le feu, je voudrais qu'on parle à présent Antoine Balzo de Néandertal, qui a démontré quand même un certain talent dans la maîtrise de l'art de faire du feu. Est-ce qu'il y a des sites remarquables qui vous viennent en tête, que vous pourriez nous décrire, où Néandertal a fait de beaux feux? De beaux feux. Alors, je suis pas un spécialiste du feu, je connais pas les feux, la notion de beaux feux est amusante. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve évidemment chez Néandertal les feux associés à la vie, évidemment, dans les sites où il y a un habitat assez important. Moi, je connais bien le site de la Ferracie parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces fossiles humains. Et le site de la Ferracie, il est intéressant parce que on y a fouillé une surface. Enfin, on y a fouillé depuis plus d'un 130 ans. Il y a eu des fouilles à la Ferracie, donc c'est pas moi, d'autres personnes avant ont dégagé une surface gigantesque, plus de 100 mètres carrés ont été fouillés, ce qui nous a permis de vraiment connaître une zone de vie importante. Évidemment, ces fouilles anciennes se faisaient pas avec les mêmes degrés, niveaux de précision qu'on peut le faire aujourd'hui. Donc, malheureusement, on a une perte d'information, mais on a quand même vu la présence de foyers. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un foyer qui était probablement à proximité des deux premiers squelettes néandertaliens qui avaient été enfouis. Et là, on a retravaillé sur un des enfants qui a été enfoui dans le site, la Ferracie 8. On a pu démontrer l'enfouissement volontaire, ça paraît une évidence parce qu'on le sait tous, mais c'est vrai qu'archéologiquement, démontrer un enfouissement, ça reste quelque chose de rare. On était content d'avoir les données archéologiques pour arriver à le montrer dans ce site-là. Alors, c'était des fouilles plus récentes et datées des années 70. Mais ce qui était intéressant, c'est que cette poche où il y avait l'enfant, on a retrouvé énormément d'objets brûlés, de restes de faune, totalement différent de l'enfant. L'enfant n'a pas été brûlé, mais ça montre la proximité du feu et aussi ce lien. Voilà, c'est un lieu de vie où Néandertal est. Ils font une sépulture, ils enfouissent l'enfant et ils ont mis ce qui était à côté dans la fosse. Donc probablement un ancien feu qui ne fonctionnait plus à ce moment-là. Hein. Mais voilà, il y a ce lien important des différents comportements que peuvent avoir les Néandertaliens. Au moins la Ferracie, ils y vivent et ils y font énormément de choses. Et le feu a de l'importance probablement pour leur vie, mais jusqu'à être juste à côté de l'endroit où ils enfouissent leurs défunts. Isabelle Théry-Parisot, vous souhaitiez réagir? Isabelle Théry-Parisot. Oui, on a plusieurs exemples de sites néandertaliens dans lesquels on peut parler de beaux feux. Notamment le site de la Combette, par exemple, qui est un site dans le Vaucluse. Et on a des exemples équivalents en Espagne autour de 70 000 ans, l'abri del Pastor, l'abri del Salt. Et sur ces sites, on a pu démontrer que étaient brûlés systématiquement dans certains foyers du bois très altéré qui a des propriétés combustibles très particulières, qui produit beaucoup de fumée, par exemple. Et en recoupant cette information avec les pratiques connues par ailleurs sur le site, on a pu proposer l'hypothèse de traitement thermique des pots, par exemple, qui étaient pour lesquels on utilisait cette fumée qui était dégagée par ce bois mort très altéré, dont les propriétés sont particulières. Et puis, on a un autre bel exemple, toujours en France, dans l'Aveyron, cette fois-ci, c'est le site des Canalettes, qui a été occupé autour de 70 000 ans et dans lesquels on a pu mettre en évidence la première utilisation de houille, hein, de charbon fossile comme combustible dans des foyers, et avec l'hypothèse qui a été proposée selon laquelle c'était destiné à l'entretien durable du foyer dans l'habitat qui était un abri sous roche pour maintenir une chaleur diffuse et constante sur le site. Voilà, donc on a beaucoup d'exemples de foyers dont la spécialité, la spécialisation a pu être démontrée à partir de l'étude des combustibles eux-mêmes. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Isabelle Terry-Parisot, c'est qu'on sent une multiplication, une diversification en tout cas des usages du feu. Je vais vous poser une question, Isabelle Terry-Parisot, qui a l'air peut-être un peu bête, mais est-ce que Néandertal a inventé l'eau chaude? J'ai vu passer un article sur un site catalan daté d'il y a 60 000 ans où on aurait peut-être des traces d'eau chauffée par Néandertal. Alors, est-ce qu'il a inventé l'eau chaude? On n'en sait rien, mais c'est vrai que les études géochimiques qui sont faites maintenant sur les roches que l'on trouve dans les foyers ont permis les traces de chauffe ont permis de proposer l'hypothèse que c'est des pierres qui avaient été chauffées et mises au contact de l'eau pour chauffer cette eau. Voilà, c'est des travaux des collègues géochimistes qui analysent les éléments de surface à partir de caractéristiques physiques des blocs de roches chauffés qu'on a retrouvés effectivement dans plusieurs sites archéologiques en Espagne notamment. Donc Néandertal est peut-être l'inventeur du bouillon de poule sur ce site de Romanie en Catalogne occupé il y a donc 60 000 ans. Parmi les autres innovations de Néandertal, Isabelle Terry-Parisot, il y a aussi cette technique d'allume-feu qu'aurait développé Néandertal dans la grotte du Pêche d'Azé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, est-ce que vous pouvez me préciser, parce que je suis pas sûr de... En fait, l'usage de minéraux apparemment bien spécifiques, c'était de la manganèse, il me semble, qui aurait permis de réduire la température d'inflammation du bois, mais aussi d'augmenter la vitesse de combustion. Donc, est-ce que Néandertal est l'ancêtre de l'allume-feu tel qu'on l'utilise aujourd'hui? Alors, ça, je pense que c'est difficile à démontrer. En revanche, on pense que Néandertal avait une très bonne connaissance des propriétés combustibles et savait maîtriser les flux thermiques en gérant les calibres du bois, par exemple. On sait que on sait tous intuitivement que pour allumer un feu, il est préférable d'utiliser du petit bois. Alors la question des températures de combustion, elle est intéressante parce qu'elle est récurrente dans la littérature. Or, à mon sens, c'est pas forcément une bonne approche de la question de la fonction des foyers paléolithiques, parce que les expérimentations qui ont été faites, très nombreuses, montrent toutes que dans un foyer en plein air, un type de ceux qui ont été réalisés par les sociétés néandertaliennes, ou même de Sapiens, les températures moyennes de combustion sont toujours comprises en... Et nous avons perdu Isabelle Terry-Parisot. On parlait à l'instant, Antoine Balzo, de la diversification des usages du feu avec Néandertal. À partir des moins 40 000 ans et l'installation d'Homo sapiens en Europe, cette diversification se poursuit. Quels multiples usages trouve-t-on alors au feu et à ce feu maîtrisé, et comment on va s'en servir? On a des traces intéressantes. Alors, je connais un peu mieux Néandertal, qui va utiliser différents matériaux aussi, par exemple pour emmancher des pierres sur des bouts de bois. L'invention de la lance date probablement de Néandertal. Il savait fabriquer du goudron à partir de bouleaux, ce qui implique quand même des compétences importantes, parce qu'il faut le chauffer à la bonne température, dans les bonnes conditions, pour que l'écorce de bouleau se transforme en goudron. Ça a été testé, démontré expérimentalement récemment, et des traces comme ça, on en a un certain nombre pour Néandertal. Ce qui est intéressant en effet aussi, c'est que on a un enregistrement des comportements de la diversité et des foyers en Europe qui devient très importante avec la fin de Néandertal et le début de Sapiens. C'est probablement en partie lié à ces humanités-là qui ont diversifié leur comportement, mais c'est aussi lié à des conditions archéologiques. Finalement, parce qu'on a la chance en Europe d'avoir des sites très bien conservés, en grottes, en abris sous roches, avec des conditions de conservation qui sont vraiment bonnes, qui nous permettent de documenter ça. Et peut-être des humains qui ont développé des modes de vie avec des haltes un peu plus longues et des comportements culturels un peu plus complexes, en particulier au paléolithique, Homo sapiens en Europe, va développer des industries, des particularités qu'on ne retrouve pas du tout en Asie ou en Afrique, où l'outillage ou les techniques vont rester les mêmes qu'avant ou que celles des autres espèces humaines. Et donc ça, ça pose pas mal de questions aussi sur la différence qu'il peut y avoir entre cette complexification comportementale qui peut être liée probablement à des capacités biologiques, cognitives plus développées, et puis des choix presque culturel, en quelque sorte. Pourquoi est-ce que ces Homo sapiens sont embêtés à changer de technique, à faire des choses aussi variées en Europe de l'Ouest centrale, un peu en Asie, alors qu'en Asie de l'Est, ils ont continué à utiliser les mêmes outillages presque jusqu'aux périodes historiques, hein. Donc ça, c'est vraiment un sujet de questionnement par rapport à ce lien qu'on peut faire entre les comportements et les capacités humaines. Isabelle Théry-Parisot, sur cette diversification des usages du feu à partir du moment où Homo sapiens s'établit en Europe notamment. Alors la diversification, elle est même antérieure, puisque on sait par exemple que la fabrication des cols, qui était utilisée pour emmancher des outils en silex sur des manches en bois, donc à partir de brais de bouleau, de résine de pin ou de bitume, elle date au moins de 70 000 ans à Oumeltel en Syrie, ou autour de 45 000 ans à Königsko en Allemagne. Voilà, donc cette diversification, elle est antérieure à Sapiens. Et elle s'accentue avec Sapiens. On a différentes attestations du travail de l'ivoire, du traitement thermique des roches pour faciliter le débitage, par exemple. Le traitement thermique des colorants, qui était utilisé par exemple comme matière picturale dans les grottes. Des colorants, les ocres, et puis évidemment la fabrication de charbon de bois pour réaliser ces magnifiques fresques de la grotte Chauvet qui ont été intégralement fabriquées, réalisées au charbon noir. Antoine Balzo, il n'y aurait pas d'art sans feu ? Il y en aurait peut-être moins dans notre registre actuel, parce qu'une bonne partie de l'art qu'on a la chance d'observer, c'est comme Chauvet, de l'art pariétal dans des grottes. Et évidemment, c'est plus facile à réaliser avec de la lumière, parce que de l'art, il y en a nécessairement eu en plein air aussi, mais celui-là n'est pas venu jusqu'à nous. Oui. Donc il y a ce biais-là aussi dans notre rapport à l'art aujourd'hui, c'est que nous n'observons que ce qui est parvenu jusqu'à nous, donc il y a nécessairement... Conservé, oui. Isabelle Théry-Parisot, on n'a pas encore parlé d'un autre événement important, c'est celui de la cuisson. Quelles conséquences a cette maîtrise du feu sur cette apparition de la cuisson et sur les humains en général ? Alors, peut-être que sur cette question de la cuisson et des conséquences, hein, sur le développement biologique, Antoine Balzo sera plus à même de répondre, mais peut-être ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que c'est difficile d'établir les plus anciennes traces de cuisson des aliments, principalement parce que les marqueurs ne sont pas toujours conservés, hein. On trouve pas forcément des restes osseux sur lesquels il y a des traces de combustion. Et puis les marqueurs biomoléculaires, qui sont les recours, hein, pour identifier la cuisson de la viande notamment, ne sont également pas toujours conservés et peuvent aussi provenir des combustibles mêmes, ou bien d'un simple rejet de l'alimentation, des restes de l'alimentation animale ou végétale dans les foyers. Donc la question de la cuisson des aliments, elle reste quand même difficile à identifier d'un point de vue archéologique. Maintenant, les hypothèses biologiques, ça je vais laisser Antoine Balzo répondre à cette question, parce que je pense qu'effectivement, hein, l'introduction de la cuisson a eu des conséquences sur le développement du cerveau de l'homme. Antoine Balzo, c'est une question sujette à beaucoup de débats, cette influence du feu, de la cuisson donc, sur l'évolution humaine. Oui, et c'est une question qu'en amène plein d'autres. Instinctivement, ça paraît assez logique de supposer que ça a eu un impact, que ça a eu un lien. Évidemment, la nourriture cuite ne va pas avoir le même goût, déjà, et puis ne va pas avoir les mêmes propriétés, et puis ça va avoir un impact évident sur la santé. Donc ça, c'est indéniable. C'est difficile à démontrer d'un point de vue biologique, parce qu'on n'a pas de transformation évidente. Et puis, au-delà de ça, le vrai lien qui était fait auparavant entre feu et biologie, c'était de dire, pour être capable de faire du feu, il faut être plus intelligent, avoir un plus gros cerveau. Donc c'est un peu un raisonnement circulaire. Le feu permet d'avoir un plus gros cerveau, et quand on a un plus gros cerveau, on peut faire le feu. Et finalement, les éléments archéologiques que l'on a, c'est une extension humaine très large, hors d'Afrique, à partir de 2 millions d'années, vers l'Asie, tout au bout de l'Asie, et puis vers le nord, assez tôt, des sites assez haut en Chine ou en Europe, on en a 500, 800, 1 million, 500 000, 800 000, 1 million d'années presque. Donc des périodes où apparemment il n'y a pas eu une utilisation fréquente du feu. Ça veut dire que les hommes sont allés presque à la limite maximale vers le nord qu'on peut connaître. Ça change un petit peu après, au Paléolithique supérieur ou avec Néandertal, on a probablement des sites plus au nord, dans des régions où il faisait plus froid. Mais avant, ça semble pas avoir un impact aussi grand que ce qu'on a supposé au départ. Sur la biologie, c'est la même chose finalement. On a ces deux humanités, au moins Sapiens Néandertal, les autres aussi, Erectus, qui ont fait le feu, mais si on regarde Sapiens et Néandertal, qui apparaissent au moment où le feu commence à être plus développés, plus utilisés, qui vont continuer à changer biologiquement, évidemment, sur des centaines de milliers d'années, une espèce humaine se transforme. Et au moment où le feu est très exploité, c'est pas si évident que ça de voir une vraie différence biologique de taille du cerveau qui pourrait être liée à ça. Là encore, on est presque dans l'observation inverse, en fait, que ces humanités-là ont réussi à utiliser tout ça, bah parce qu'elles en avaient déjà les capacités, que ça a été un apport indéniable, très important pour beaucoup de choses et qui a permis une diversification. Mais sur la base des choses, sur le fait de consommer, de chasser, d'aller plus loin et tout, sont des choses que finalement ces humanités faisaient déjà, parce qu'ils en avaient les capacités avant même de faire cuire leur steak. Il y a une question que je voulais vraiment vous poser, on a vraiment très très peu de temps, c'est celle du rôle social du feu aussi. On parle de foyer quand on parle du noyau familial, est-ce que vraiment finalement les sociétés humaines se sont construites et collectivisées autour du feu? Ça on le saura jamais finalement. Est-ce que les, Antoine Balzo, est-ce que les premiers contes, les premières légendes, on peut imaginer que tout s'est structuré autour du feu? On peut l'imaginer, et les linguistes ont travaillé sur ces sujets-là et on fait des liens visiblement entre certaines thématiques, certains sujets, certains mythes qu'on peut avoir, et puis la distribution des humains et des langues. Alors évidemment, le feu a eu cet impact-là qui a été de changer probablement le cadre de vie. Les journées sont plus longues, ça permet d'avoir une vie sociale autour du feu, et donc il y a toute cette construction autour de ces théories-là. Et c'est pas impossible, il y a des belles histoires. Par exemple, le Yéti, biologiquement, on l'a connu, c'est gigantopithèque, qui a vécu pendant très très longtemps en Asie, et peut-être que ce mythe du Yéti qu'on a encore aujourd'hui est lié à nos ancêtres d'il y a quelques 50 ou 100 000 ans, qui l'ont observé en vrai, et que c'est venu jusqu'à nous. Ça s'est transmis au coin du feu. Des belles histoires, ça va être dur à démontrer. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Isabelle Théry-Parisot, Antoine Balzo, d'être venus conduire avec nous cette enquête sur les origines de la maîtrise du feu. Et pour conclure cette émission, on se quitte comme chaque jour en musique avec aujourd'hui Les Doors, Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Mundenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Nicolas Berger, à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain, pour la dernière de Reka, déjà, nous partons en voyage et nous vous raconterons l'histoire d'une invention, ce sera celle du train. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. France Culture. L'esprit d'ouverture.